Deuxième séquence, cours de Shaun, CH3-2, écho sonore d'entretien. T'es dur. Là, tu vois, t'entends la calasse en face, ça va ? J'aime bien. J'aime bien. De toute manière, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'escalade du bruit quand on en a marre. Ah ouais, c'est-à-dire la télé se met plus fort. Alors toi, tu mets un autre truc plus fort, tu vois. Alors si les gens sont emmerdants, ils montent leur machin, tu montes, etc. Ouais. Ça devient vraiment insupportable. Ça s'est pas trop fait ici. Il y a un moment, quand j'étais passé il y a un an, deux ans, Michel en avait parlé, c'est que la télé montait de plus en plus. Enfin, je crois que les voisins du dessous sont italiens, qui avaient montré la télé vraiment très fort. Ouais, c'est-à-dire, ils ont, tu vois, pour eux, c'est pas le même niveau sonore de vie. Ils vivent à un niveau sonore vraiment supérieur. Alors... Pourquoi passer sur l'italien ? Ouais, bah t'as déjà allé en Italie ? Je suis, mais... Ouais, t'as entendu le bruit ? C'est autre chose qu'ici. Ouais. Ici, ça fait silencieux à côté. Enfin, c'est pas les mêmes bruits, quoi. C'est pas des bruits de vie. J'ai remarqué la différence entre l'Allemagne et la France, par exemple. Ouais. C'est un tag en France, même si j'en crie, ça fait moins de bruit. Enfin, c'est... Ça passe comme ça. Ouais, ouais. Et tu les connais, les voisins, toi ? En dessous, oui. Pas très bien, mais... Au passage, moyen, ça. Ouais. Je pense, mais c'est... Oula, contre-ré. Ouais. Quelle oreille ! Contre-ré ! Quelle oreille ! Et les oiseaux, tout ça, les bruits d'oiseaux, tu les entends pas. T'entends ça ? Ouais, attends, il y a plein de pigeons, tu vois, puis il y a le Saint-André. Ah ouais, il y a les cloches Saint-André aussi. Ah, t'entends ça ? Tu l'entends ? Bah, ça dure 10 minutes, alors tu peux pas les rater. Et c'est quand, c'est le dimanche ? C'est le dimanche matin à 10h, 10h15, ça dépend, c'est pas très très chic, j'ai l'impression. Le samedi à 6h. Et ça te plaît ? Enfin, je veux dire, ça... Moi, j'aime bien, je trouve ça super beau. Sans plus, ça te fait penser que c'est le dimanche ? Non ? Non, c'est surtout à cause de la cloche. Non, j'aime bien les sons des cloches, c'est très très beau, les sons des cloches. Puis en fait, ça, il y en a plus tellement, tu vois, ils ont été fondus pendant la guerre beaucoup. Des trucs, tu vois. Alors, il n'en reste pas tellement, puis il n'y a pas beaucoup d'ateliers de fonderie de cloche. Je crois qu'il y en a un ou deux en France, pas plus, tu vois. Oui, il n'y a pas puis clair, c'est toute une technique, tu vois. Ouais. C'est beau, moi j'adore ça. Ouais. Tu sais, j'ai des petites clochettes ici, j'aime trop ça. C'est vrai. Alors, quand tu entends le clocher, c'est, moi je trouve ça très profond, tu vois. Ouais. C'est, je sais pas, ça fait aucune émotion. T'entends celle de Notre-Dame aussi ? Non, trop loin. Une fois, c'est arrivé, ouais, mais par grand vent, tu vois. Le vent t'amène les sons, mais c'est trop loin. Et est-ce que tu entends un âne ? Moi, je prends de la crève. Mais ici, dans le logement, t'as des bruits ? Enfin, je veux dire, les voisins d'à côté, des trucs comme ça. Dans le logement même. Moi, j'entends rien. T'as pas des bruits de tuyaux, par exemple ? Non. Non, j'entends rien. Parce que, ouais, c'est très vieux, tu vois. Les murs, bon, il fait tout ça, le mur, tu vois. Mmh. Alors, c'est bien isolé. Tiens, je regarde des bruits. T'entends les bruits du coup ? Là, c'est les bruits de la montée. Et c'est pas celle-ci, c'est l'autre. C'est l'autre, carrément ? Ouais, il y a une autre montée, là, en fait. Tu fais attention sinon ça. Ouais, on entend bien. Bah tu sais, des fois il y a des copains qui viennent alors. Ah, c'est-à-dire que tu repères les gens. Ouais, qui... ouais, ça c'est marrant. Hein. Tu reconnais pas aussi. On dit tiens, voilà machin, tiens, voilà machine. Des fois on se plante. Ouais, c'est-à-dire que t'étais quand même vachement. T'as déjà bien enregistré comment ça se passe. Ouais, il y a des chances. Dans le sens où moi je suis toujours dirigée sur les oreilles, tu vois. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, pour ça, il faudrait que je tombe sur un aveugle. C'est l'aveugle, il aurait, je pense, repéré peut-être sur le. Ah, bah complètement, ouais. C'est t'es sur les sons, t'es justement pour. T'en connais pas d'aveugle ? C'est bien là, c'est comme ça la fenêtre ouverte, j'ai dit. Ouais, mais bon, ça va quand t'es bien, tu vois. Oui. Mais par exemple, tu vois, tu sors d'une journée de boulot, t'es ras-le-bol, t'as envie d'être pépère, t'entends ça hyper fort. Là, c'est pas très fort, tu vois. Ouais, mais tu l'engales et tu lui dis, ça t'arrive. Ouais, mais c'est pas toujours très faisable, dans le sens où c'est difficile des fois de repérer où ça vient. Ah, d'accord, tu parles pas de Richard spécialement. Pas forcément, oui. Non. Je sais que. Une fois, ça m'est arrivé d'être réveillée par une machine à écrire, tu vois, à 1h du matin. Oui. C'était insupportable. Bon, c'est pas moi qui suis allée, puisque j'étais en train de piquer une crise, vraiment, ça supportait pas d'être réveillée. J'ai un sommeil vachement fragile, et puis surtout, j'ai de la peine à m'endormir, tu vois. Oui, je connais. Alors, être réveillée par ça, vraiment, c'était horripilant. Alors, tic-tic-tic-tic, vraiment, ça m'a un peu agacé. Alors, Denis est allé voir, il a fini par repérer, c'est la fenêtre là-bas derrière, ou en haut, tu vois, et elle tapait la machine et je l'ai trouvée ouverte. 1h du matin, mais t'entends que ça. La nuit, il n'y a plus rien comme bruit, alors quand il y en a un multiplié par 10, tu vois. Si ça se trouve, elle avait tapé la machine toute la journée, puis t'avais rien entendu. 1h du matin, c'est dur. Son problème, c'est que c'est à ma stase. Mais alors j'ai entendu dire qu'elle avait une chouette voix, puis j'ai entendu dire qu'elle avait bien envie de faire du chien, alors je l'ai poussée. Ça, c'est les gosses. C'est vrai, on les a pas encore trop entendus. Ils jouent pas dans la cour. Hein. C'est le mercredi après-midi, tu vois, et dimanche. Dimanche matin, souvent. Parce que c'est les petits-enfants, tu vois, des Italiens qui viennent voir leurs grands-parents. Et bien, évidemment, ils sont dans la cour. Oui. Ils font un potin pas possible. Et qu'est-ce qu'ils font comme jeu ? Je saurais pas dire, parce que c'est assez déformé comme bruit, tu vois. D'accord. Mais Ils jouent dans l'escalier, ils crient, ils chantent. Il y en a souvent qui chantent ou qui sifflent aussi. Les petits gosses. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo quand t'es bien, c'est toujours pareil, quand t'as envie de dormir le matin et puis t'entends les gosses qui hurlent. Ouais. Tu fais la vaisselle, Richard? Tu fais la vaisselle? La vaisselle, la semaine. La semaine? Moi aussi, il va falloir que je la fasse. J'entends pas, il y a l'autre cool. Je dis, moi aussi, il va falloir que je la fasse. Alors tu vois, on a besoin d'un truc. Dis, t'as pas des allumettes? Mmh. Chou, en face. Et j'ai plus rien à dire. C'est dommage, c'est qu'ici. On a quand même, on entend une sorte de bruit. C'est la ville. Donc... Ça, c'est une chose. Ouais, c'est bien la place. Ouais, non, mais ça, c'est carrément, c'est quand t'as des fêtes ou des trucs comme ça. Hé, y a plein de spaghettis dans les vies, est-ce que je dois trouver ça bizarre? C'est toi qui les as fait tomber. Ah? Ouais. C'est toi qui les as fait tomber. Pas moi. C'est particulièrement fort, là, c'est carrément un truc à venir. Alors, quand il y a la ville, en fait, ou des trucs, place d'Agier ou place de machin, bon, là, t'entends énormément tout, tu vois. Jusqu'à 1h du matin.